musique en marge. C'est fou, 89.1. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Olivier Lessard sera avec nous pour son segment musical Le Courant Passe. On recevra de la part de David Ferron quelques notes salées. Assemblage requis commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce lundi 23 mars 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Salut, Steph. Bon matin. Ce matin, en m'en venant à pied, comme toujours, avec la patinoire la plus glissante du monde, je me suis fait intercepter par une dame en voiture. Je la salue si elle nous écoute, mais elle était prise avec sa batterie morte. Puis elle me dit « Monsieur, savez-vous, quand est-ce que ça ouvre les garages et les dépanneuses? » Je fais comme « Wow, tu sais vraiment pas que c'est pas la bonne personne à qui l'a demandé. » Mais mon Dieu, les dépanneuses, appelle, au pire tu vas le savoir, non? Genre. Mais bon, en tout cas, j'ai aucune douche à pied. Ben, ça. Mon Dieu, j'ai une voiture. Est-ce que je connais les horaires de garage? Non. Ouais, mais c'est exactement la bonne personne. Tu dois avoir plein de gigs sur ton cellulaire. Tu peux aller voir sur Internet. C'est vrai, parce qu'un gars à pied a souvent plus de gigs sur son cellulaire. Ben, un gars un peu geek, là, du son, là. J'avoue. C'est connu, les gens en voiture utilisent leur GPS, donc usent leur batterie. Exactement. Bref, aujourd'hui à l'émission, les amis, on a un petit plan bien sympathique. À 8h, on va avoir les élections de la GQTR. C'est la troisième partie de ça. On va terminer aujourd'hui les derniers candidats. Le vote commence ce soir à 23h45. Ensuite, à 8h30, David Ferron avec les notes salées. Et aujourd'hui, il nous présente deux choses. Une chronique en deux temps. Une lettre au gouvernement et une présentation du Festival de musique du Maghreb. Comme ça, c'est à 8h. Olivier fait un petit... Fou! Ben non, mais... C'est différent comme sujet. Oui, quand même. On s'entend. Et puis à 9h, on va faire une édition bonus de 6 mois, ça devrait répondre là. Mm-hmm. Ça s'en vient tout à l'heure. Mais avant ça, on débute avec Olivier Lessard, qui lui est là pour nous parler de musique en général, de différents courants musicaux dépendant de la foi. Donc voici Le Courant Passe. Cette intro-là, c'était toi qui chante par-dessus. Exactement. Yedle-Ihu, c'est Le Courant Passe avec Olivier Lessard. Bonjour à toi. Bon matin, tout le monde. Oui, good morning Vietnam. Donc aujourd'hui, tu nous parles d'un autre courant musical, j'imagine. Oui, je vais t'introduire ça, Mathieu. Tu créeras pas à ça. Je suis grand ouvert. Dis-moi quand t'es prêt, là, puis là, je pars. OK, go. OK. J'ai crié un peu dans le micro. Bon, donc, je t'introduirai ça en te parlant de mon non-intérêt pour Grand Corps Malade. Ah, je te comprends, j'aime pas ça, moi. Ouais, ben là, je l'aime plus, le Grand Corps Malade, mais il fut un temps, là, quand je l'ai connu, où je comprenais pas, là, l'objectif de faire du slam, en fait, parce que je ne connaissais que Grand Corps Malade, du slam, et sa grosse voix chaleureuse et ses histoires sans punch, pas que c'est pas intéressant, mais tu fais le tour vite. Ouais. Donc j'ai mis un trait là-dessus pendant quelques années, et là, je me réintéresse au slam depuis un moment. Faut dire qu'au Québec, c'est très, très populaire. C'est rendu assez courant. Il y a beaucoup de... Il y a une ligue de slam au Québec qui fonctionne un peu de la même façon que l'impro. Ça se fait dans des bars. C'est des personnes versus d'autres personnes qui font leur slam. Des équipes à Québec, Montréal, évidemment, mais aussi à Rimouski et à Gatineau. Souvent, tout le monde, les slams, les femmes. Les slams. Hein. Ça joue moins avec les slams, les hommes. Ouais. Et les slams, ouais. Pas très réveillé encore. Ouais. À part de loin. C'est lundi matin, t'es le premier sur le bord. C'est ça. Tu prends les mauvaises blagues dès le départ. C'est correct. Et donc, tout ça pour en venir au fait que que moi, j'ai été particulièrement touché par un type de slam. Le slam dont je vais vous parler, probablement que si vous demanderiez à la personne qui le fait, la personne qui est dans le groupe, il vous dirait pas qu'il est dans un groupe de slam. Okay. Parce que je vous parle de trois groupes qui sont un peu inclassables, mais qui ont comme caractéristique de parler plus que qu'ils chantent. Plus que rapper. Certains des fois confondent le slam et le rap, ce qui est mon cas souvent. Ouais. Ben souvent là, on est plus dans ce que je vais vous parler entre le slam et le criage, donc le parler, le cri. Okay. Et c'est pourquoi le Vice Magazine a appelé ça le comment le Vice Magazine? Le Vice Magazine, je trouvais que en pluguant le Vice Magazine, ça avait l'air crédible. Déjà là, ça me donnait une certaine crédibilité. Ouais, ouais, clairement. Donc le Vice appelle ça du speak shouting. Ok, du parler crier, genre. Ouais, du parler crier. Ouais. Et ça peut se faire sous différentes formes. Le Vice, quand il en parlait, il citait en fait, il parlait d'un album de La Dispute, qui est le premier groupe dont je vais vous parler. La Dispute est un groupe... Ten Prostitutes! Ouais, c'est un groupe du Michigan. Ouais. Ils en sont à leur troisième album. Eux font du post-hardcore. Ils font du post-hardcore, donc ils sont souvent reliés à d'autres différents groupes qui font du hardcore aussi, dont Touché Amoré, Piano Become Thief. À la différence que La Dispute ne crie pas et ne chante pas, okay, il parle. Mm. C'est pourquoi j'en parle dans ma chronique. Okay. Fais des liens. Oui, oh oui, réveille là. Réveille. Mais est-ce que tu dirais que c'est pour adultes seulement, ou est-ce que c'est vulgaire par moment? Non. Ah. Ben, peut-être que c'est vulgaire, mais de toute façon, on l'entend pas vraiment. Là. Okay. Parce que je voulais plugger slam sensible, s'abstenir. C'est incroyable, ouais, quand même, à la vie qui fait qu'à chacun de tes jeux de mots, on tombe sur le. Sur le la fin d'une chanson où il y a un silence inconfortable. Ouais, ouais. Eh, bah, bah. C'est comme si je les timais comme ça. Ben, il fait exprès, ben, ouais, sûr que oui, écoute la toune. Clairement, du coin de l'oreille. Oh, là, ça serait le temps pour faire un gag, ah, là. Ouais. Et donc, la dispute, ce qu'ils ont comme particularité, là, c'est qu'ils partent vraiment des textes. Ce qui, tu sais, souvent c'est important, là, les textes dans le, ouais, le punk hardcore, mais pas tant, tu sais. Tandis que là, le band s'est formé là-dessus. En fait, le chanteur est un écrivain à la base. Mmh. Et y a beaucoup de références à la littérature dans ce groupe-là, dont le nom lui-même, tu sais, qui vient de la pièce du dramaturge français Marivaux du 18e siècle. Mmh. Est-ce que tu connais Marivaux, Mathieu? Non, je connais sa soeur Marie Mouton. Et maudit. Ouais. Ah, ça, c'était bon. Merci. Ouais, c'était ça. Et donc, ça donne des albums qui sont super intéressants au point de vue des textes, dont le dernier album qui s'appelle Rooms of the House, qui, chacune des chansons, raconte un extrait de la vie d'un inconnu. Et ça, c'est basé sur des faits réels. Et à la fin, là, si on écoute toutes les chansons, on se rend compte que chacune des vies qu'on a croisées dans les chansons, ben ça s'entremêle, ça se regroupe. Okay. Tu sais, ça se fait souvent là, dans des films, ce genre de trucs-là. Ouais. Mais c'est assez rare qu'on voit ça dans des albums, tu sais. C'est ça. Ouais. Faut réfléchir, ça peut être mêlant, puis on s'en rendrait pas compte. Faut vraiment porter attention comme il faut. Faut vraiment porter attention. C'est une récompense pour les auditeurs fréquents, ceux qui l'écoutent plusieurs fois peut-être et remarquent les liens. Exactement. Puis en plus, la beauté de la chose, c'est qu'il a fait des espèces de clips karaoké, là, mais tu sais, plus esthétique. Sur chacun, chacun de ses chansons. Je suis pas contre le karaoké, là. Non, mais tu sais. Hein? Donc on peut écouter les chansons puis suivre les paroles en même temps puis essayer de comprendre tout ça parce que c'est quand même de la grosse littérature là. Et sans plus attendre, je vais vous en faire écouter une. Ça s'appelle Hudsonville, Michigan ou Mississippi, MI, je sais pas. Lequel, c'est lequel, Mississippi, ouais? Je pense que c'est MI. MI, ouais, non, je sais, mais MI, c'est mettons le Michigan, c'est ça. Ouais. Mississippi, c'est MS, genre. Ouais, peut-être. Mais, donc, ça s'appelle Hudsonville, c'est peut-être le Minnesota. Michigan. Non, Michigan, là, on se calme. 1956. On écoute ça? Ouais, on écoute ça. Dans le courant de passe avec Olivier Lessard. There are bridges over rivers. There are moments of collapse. There are drivers with their feet on the glass. Kick, but you can't get out. There is history in the rooms of the house. After dinner, do the dishes. Other hums, the coffee maker hisses. On the stove, the steamer crescendo. The radio emergency bulletins. And everywhere we... C'est donc Hudsonville, Michigan. Exactement. C'est dans le courant passe avec Olivier Lessard. On écoute des bouts de chansons sur un courant musical quelconque. Aujourd'hui, on parle de slam, mais tu disais le nom précis de ça, c'était... Oui, c'est toi. Attends un peu. Tu l'as dit tantôt, c'était du slam. Non. C'est du speak shouting. Speak shouting ou du shout speaking. Ouais. C'est ça. C'est du criage parlé ou du parler crié. Exact. Mais en même temps, ça ressemble à d'autres styles musicaux ou c'est pas... C'est la musique derrière qui fait le style, il me semble, plus que la façon de la chanter pour moi. Oui, effectivement, mais c'est pour ça que c'est un peu un courant musical que j'ai inventé, en fait. Là. Ah, parce que... Ben, non, tu sais, je me basais sur le Vice. C'est les bases du Vice magazine. mais vous allez le voir avec les deux autres groupes que je vais vous montrer... effectivement, la musique n'est pas du tout la même, mais il y a toujours cette idée de parler plutôt que de crier ouais. ou de chanter. Mais là, encore là, la dispute, là, on n'est pas loin de crier. Oui, ben, par moment, oui. Ouais. Mais dans mon autre groupe, vous allez voir, ça s'appelle Listener ou Listener. C'est un groupe de l'Arkansas. Ils en sont à leur 7e album quand même. Ils sont beaucoup moins connus que la dispute. Ils sont un petit peu plus underground. Listener, c'est le band de Dan Smith qui, dans ses débuts, faisait du hip-hop davantage. Donc là, on va rejoindre plus la frange du hip-hop. Oui. Il était avec Deep Space 5, qui est un espèce de gros collectif de gros hip-hop. Mm. Et lui, s'est fait connaître avec le Tour of Homes. Ça, je trouve ça particulièrement cool. C'est... chose qui se fait beaucoup en Europe, une tournée des maisons. Sur leur terrain dans la cour arrière, quoi? Ouais, ben le gars, il passe une chaîne là, pendant deux mois et il charge, je sais pas, là, 400-500$, puis les gens peuvent l'inviter dans son salon. Fait qu'il vient faire des shows dans le salon. Intéressant, ça. Ouais. Puis souvent, c'est comme des tout inclus. C'est une espèce de tournée Bed and Breakfast. Il fournit des chips, tu sais. Ben, il fournit ses chips, puis peut-être même le chez-soi, tu sais. Le chez-soi. Ouais. Ouais. La... Vichyssoise, comment t'as dit? La soupe. La soupe, c'est ça. La soupe vichyssoise. Ouais. Ou de la séchoise. Ces mots-là me font rire, vichyssoise. Ben, c'est sûr qu'elle prononçait de même. Mais c'est pas bon. Mais parce que vichyssoise, on dirait que tu t'es foiré sur ton sofa. Ou sur ta chaise. Vichyssoise, c'est comme Vice Magazine. Le magazine pour vichyssoise. Laisse faire. Passe à autre chose. C'est pas drôle. OK. Salut tout le monde. Ah, le grand écoute. Et là, vous allez voir, là, c'est beaucoup... c'est un petit peu plus folk. Ça vient de l'Arkansas, ça n'a pas le choix. C'est une gang de fermiers. Ouais. J'utilise ça. On s'excuse à nos auditeurs qui viennent de l'Arkansas. Arkansas, what you did there. Le gars est très, très croyant. Ça paraît un peu dans ses paroles. Et là, quand il parle, slash chante, slash crie, vous allez voir, là, il y a vraiment... beaucoup trop d'émotions. C'est ça, ça s'appelle Wooden Heart, c'est l'extrait qu'on va écouter là. Listener. Listener. Ben, Wooden Heart, la chanson. Ben oui. Comprends. Dans le courant pas. We're all born to broken people on their most honest day of living. Since that first breath, only grace that we've never given. Well, I've been haunted by standard red devils and white ghosts. It's not only when these eyes are closed. These lies are ropes, I tie them in my stomach. But they hold this ship together, tossed like leaves in this weather. My dreams are sails that I point towards my true north. Stretch thin up on my rib bones and pray that it gets better. But it won't. At least I don't believe it will. So I built a wooden heart inside this iron ship to sail these blood-red seas and find your coast. Don't let these waves wash away your hopes. This warship is sinking and I still believe in anchors. Pulling fistfuls of rotten wood from my heart, oh, I still believe in saviors. We are all made out of shipwrecks, every single board. Washed and bound like crooked teeth on these rocky shores. So come on and let's wash each other with tears of joy and tears of grief. And fold our lives like crashing waves and run up on this beach. Come on and sew us together, just some tattered rags stained forever. We only have what we remember. Listener, avec Wooden Heart. Je sais pas si vous commencez à... saisir. T'sais, on part de loin là, avec l'autre extrait que je vous ai montré, mais quand même quelque chose. C'est ça, ben tu t'attends à ce que, tu sais, ça ressemble à un début de chanson des fois normal, tu sais, puis là, tu dis que la chanson embarquerait à un moment donné, mais c'est ça la chanson finalement. Ouais. C'est ça tout le long. Ben c'est ça tout le long, mais ça va monter d'intensité tout le temps, parce que là, là le gars il est pas encore assez émotif. Non, il a pas encore assez le, la main sur le cœur, puis ben là il a la main là, mais là il va se l'arracher, puis. Céline Dion, moi ça. Ouais. Céline Dion. Il y a un feat avec Céline Dion. Juste les pieds, Céline Dion en feature. Et là, je vous amène là. Là, moi, je vous renverse de tous côtés. Et je vous amène de l'autre côté. De l'autre côté de la rivière. OK. En France. Oh! Pour vous parler d'un band français. OK, mais dans le même genre. Bonjour à tous les Français. Oui, ouais. C'est un peu dans le même genre. Comme je te dis, là, ça change de style, mais on garde encore ce parler, ce word talk avec beaucoup de haine, beaucoup de... On fait du talk radio ce matin. Et là, ouais, effectivement, et c'est quelque chose que vous connaissez probablement. Oui, ben probablement, nous ici on connaît ça parce que c'est dans les palmarès en ce moment. Ben oui. Ça s'appelle Fauve. Ben oui, Fauve, c'est plus connu ici. Et moi, j'ai fait des liens avec ça, j'ai fait un parallèle. Mais évidemment, si vous regardez les entrevues avec le gars de la dispute, il vous dira pas « Ouais, j'étais bien influencé par Fauve en France. Okay. » C'est sûr que non. Non. Ça arrive pas. C'est ça. Mais moi, je suis là pour ça. Oui. Moi, je les ramène ensemble. Oui. Je leur dis « Yo, les gars, vous ressemblez. Embrassez-vous. » En tout cas, dans ma tête, ça faisait du sens. Oui, c'était très imagé, tu sais. Bref, je vais vous parler de Fauve. Fauve, donc, c'est un band qui vient de Paris. C'est pas vraiment un groupe, en fait. Si tu regardes leur biographie, là, Fauve se considère comme une espèce de collectif. OK. Et dans leur collectif, qui s'appelle Fauve Corp... Pour vrai. Ouais. Non, ça s'appelle Fauve une faux chalet. Ça, c'était pas pire ouais, aussi. Merci. Ça revient, ça gradue. C'est ça, plus il est proche de 8 heures. Ouais. Et quand t'es à l'apogée, ben moi, je suis plus là. C'est un peu décevant. Non, Apogee. C'est-à-dire un rapper, Apogee. C'est la version rap de Apu. Aïe, aïe. Là, c'est plus ma petite langue. Et donc, dans leur collectif, là, à Fauve Corp, ils sont une vingtaine de personnes, quand même. Ouais. Mais là-dedans, là, c'est pas juste des gens qui font de la musique, parce qu'ils considèrent tous les gens qui illustrent, qui font les photos, qui font les textes, comme des membres à part entière de leur collectif. Mmh. Donc, Fauve, ce qui est intéressant, c'est que c'est un ensemble de trucs. Quand vous recevez la pochette de Fauve, là, c'est un trip bien réel, t'sais, parce qu'il y a une grande pochette avec des paroles, des photos, mais il y a aussi des stickers. Ah. Souvent, il y a des posters, des espèces de bracelets. En tout cas, grosse affaire. Et, mais au-delà de tous ces objets matériels, parce qu'on ne vit pas pour des objets matériels, non, Mathieu, y a de la bonne musique. Il y a de la très bonne musique. Encore là, il parle de trucs rough, de trucs de banlieue de Paris rough. Mmh. Et donc, moi, j'ai choisi de prendre une chanson du premier album. Malgré le fait que le deuxième album vient de sortir. Oui, celui qui est sur le palmarès, la pièce TRW. Ouais, ça, c'est ça, qui est excellent aussi. Mais moi, je voulais vous montrer un extrait du premier qui, selon moi, est encore plus de hargne. Ça s'appelle Voyou. Et ça va comme suit. Le courant passe. Pars-toi, casse-toi, je t'ai dit qu'est-ce qu'il te faut de plus, t'en as pas vu assez. Et arrête de me regarder comme ça, t'as rien écouté, t'as rien compris. Comment je dois te le dire pour que ça imprime? Écoute, pauvre conne, je suis pas quelqu'un de bien, je suis pas une belle personne. Je suis une sale bête, une bouteille de gaz dans une cheminée. Et je vais finir par te sauter au visage si tu t'approches trop, comme ça a fait avec les autres. Mais tu sais pas de quoi tu parles, j'ai essayé, ça sert à rien, on change pas, on change jamais. Et quand bien même de toute façon, ici y'a pas de deuxième chance, on n'efface pas les ardoises. Me dis pas que t'es pas au courant, t'as pas vu? C'est imprimé partout, dans les journaux, sur les écrans, dans le regard des gens. C'est même écrit en grand sur les immeubles, la nuit, quand les gens bien comme toi sont endormis. C'est marqué en rouge, tu nais comme ça, tu vis comme ça, tu cannes comme ça. C'est la poêle face à ton flair avec ton dégoût de toi-même, ta culpabilité et ton désespoir comme seul témoin. Non crois-moi, tu veux vraiment pas que j'aille plus loin, parce qu'au mieux ça t'empêchera de dormir. Au pire ça te donnera envie de me cracher à la gueule. Alors avant que je me transforme encore une fois, pars en courant, suis-moi comme le choléra. Non j'ai braqué personne, planté personne, buté personne, mais je suis un voyou, c'est comme ça qu'on dit tout simplement. J'ai fait des choses que je regrette suffisamment. suffisamment pour y penser tout le temps. Je pourrais te donner un million de bonnes raisons pour qu'on m'attrape, qu'on casse les genoux et qu'on cloue au pilori. Et si un jour on vient me chercher, je résisterai pas, je sortirai les mains sur la tête sans faire d'ennui. Mais avant que ça arrive, je voudrais que tu saches que j'ai compris que je passe mes nuits entre cacheton et insomnie. Et que je vais me battre pour reconstruire un apprenti repenti. Et tant pis, si ça me prend toute une vie. Pardon, que je parle un peu moins fort. Ah, on vous dérange en fait, merde. Et bah si on te dérange, tu te casses. Ou sinon tu fermes ta gueule, tu regardes ton assiette. Et tu nous fous la paix 5 minutes le temps que je termine. Tu peux faire ça? Qu'est-ce qu'il y a? Ça te gêne qu'on te coince comme ça devant tout le monde? Bah ouais, c'est chiant, je comprends mon gars. Mais dis-toi que t'as de la chance toi. Toi t'es né bien comme il faut, t'es solide, t'es cohérent. Tu mets personne mal à l'aise dans les restaurants. Tu dors bien sur tes deux oreilles, t'es un bon petit français. T'es beau, t'es bien. Comme un magazine de déco, comme une maison témoin. Ça t'arrive pas ces choses-là, hein? Tu vois absolument pas de quoi je parle. Et bah ouvre pas trop la porte de ton placard alors, tu pourrais être surpris. Ça va te faire tout drôle le soir où les choses que tu pensais avoir enfouies. Faut savoir qu'en fait, elles étaient là, juste là, planquées sous le tapis. Elles sortent une main, puis te plantent une seringue dans le pied avant de disparaître. Et alors là, ça te prend à la gorge, comme des odeurs d'ammoniac. Ça te colle des sueurs froides, t'as les dents qui claquent. Mais non, je me calme pas, il sait pas ce que c'est lui. Il sait pas ce que c'est que d'être un crevard, d'être mal foutu, d'être une crasse, un pantin. D'être le terrain où le bien et le mal s'affrontent. Il sait pas ce que c'est. Non, j'ai braqué personne, planté personne, buté personne. Mais je suis un voyou, c'est comme ça qu'on dit tout simplement. J'ai fait des choses que je regrette suffisamment. Suffisamment pour y penser tout le temps. Je pourrais te donner un million de bonnes raisons pour qu'on m'attrape, qu'on casse les genoux et qu'on cloue au pilori. Et si un jour on vient me chercher, je résisterai pas, je sortirai les mains sur la tête sans faire d'ennui. Mais avant que ça arrive, je voudrais que tu saches que j'ai compris que je passe mes nuits entre cacheton et insomnie. Et que je vais me battre pour reconstruire un apprenti repenti. Et tant pis, si ça me prend toute une vie. Comment est-ce que tu peux penser que tu tiens à moi si moi-même j'y tiens pas? Pourquoi tu dis que tu m'aimes alors que moi-même je me déteste? Pourquoi t'es là? Pourquoi tu restes? Pourquoi t'es là? Pourquoi tu restes? Comment est-ce que tu peux penser que tu tiens à moi si moi-même... Quel moment d'émotion. Ouais. Moi, je conclue sur ces belles paroles. Donc, trois groupes que je vous ai montrés que je considère inclassables, mais que j'ai voulu classer avec vous aujourd'hui. Grâce à Vice Magazine. En espérant que vous ayez eu du plaisir. Et on se retrouve ce soir à l'improvisation. Oui. Où je mettrai de la musique et où tu parleras. Tout à fait, 20h, gratuit, à la Chasse Galerie, Olivier Lessard. Bonne journée. Bonne journée, merci. Le plaisir. À lundi prochain. Absolument. 7h30 pour notre chronique Le Courant Passe. Oui, bye. De hurler mon absence de courage, ma cruauté, ma politesse maladive, mon optimisme débile, mon zèle dangereux, mes réflexes à la con, mes accès de colère, ma culpabilité bidon, ma sexualité en vrac et mes fantasmes tordus. De hurler ma peur panique des autres, ma mesquinerie sournoise, mes regrets, mes erreurs, mes névroses, mes obsessions, mes méta-obsessions, ma phobie de la douleur, de la perte, du suicide, de la dépression. Non, j'ai braqué personne, planté personne, buté personne, mais je suis un voyou, c'est comme ça qu'on dit tout simplement. J'ai fait des choses que je regrette suffisamment. Suffisamment pour y penser tout le temps. Je pourrais donner un million de bonnes raisons pour qu'on m'attrape, qu'on me casse les genoux et qu'on me cloue au pilori. Et si un jour on vient me chercher, je résisterai pas, je sortirai les mains sur la tête sans faire d'ennui. Mais avant que ça arrive, je voudrais que tu saches que j'ai compris que je passe mes nuits entre cacheton et insomnie. Et que je vais me battre pour reconstruire un apprenti et repenti. Et tant pis, si ça me prend toute une vie. C'était Fauve et la pièce Voyou dans la chronique Le Courant Passe avec Olivier Lessard qu'on retrouve les lundis à 7h30. On prend une pause et au retour, troisième et dernière partie des entrevues avec les candidats aux élections de la GUQTR s'en vient dans quelques instants. Puis plus tard, d'autres chroniques les plus divertissantes à l'Assemblage Requis jusqu'à 9h30. Fou de spectacle. Vous êtes dans la zone 89.1. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes à Assemblage Requis en ce lundi 23 mars 2015 et Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Dans quelques moments, on va recevoir encore quelques candidats aux élections de la GEQTR. C'est la dernière fois qu'on va le faire, mais c'est la journée la plus importante parce que c'est ce soir que commence le vote. Ah ben oui. Donc il faut se mettre au courant. C'est dans quelques minutes, mais avant ça, on écoute Towers, une nouvelle entrée du palmarès anglophone. Voici Rooftop. 89 FM, c'est fou. Ugh. C'était Towers et Rooftop à Assemblage Requis. Towers, Steph, TTWWRRSS. Finalement, c'est facile à retenir. C'est juste plus difficile à prononcer. C'est ça, c'est deux de chaque. C'est ça. C'est ça, deux de chaque lettre. Donc, c'est Assemblage Requis. Trois fois depuis les dernières semaines, on reçoit des candidats aux élections de la GEQTR. Et pour gérer tout ça, on a toujours une personne responsable. Et aujourd'hui, c'est Manfous Lawani. Bonjour à toi. Bonjour. Ça va bien? Et toi? Oui, très bien, merci. Donc, on va parler pour commencer du processus où on est rendu. La conférence de presse a déjà eu lieu. Ça, c'était le 19 mars où on annonçait tout le principe derrière les élections. Mais là, ce qui est important, c'est aujourd'hui, à 16h, il y a un débat qui se passe à la Chasse-Galerie. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, il y a un débat qui se passe aujourd'hui à 16h à la Chasse-Galerie. Mm-hmm. Et c'est très important de participer à ce débat parce qu'on pourra au moins savoir quelles sont les idées que les candidats ont à partager avec nous. Et comme c'est écrit, il y a de la pizza aussi qui est en fait. Ça donc, convainc certaines personnes, c'est de la pizza. Et j'espère qu'il y aura assez du monde ce soir à la Chasse-Galerie à 16h pour venir poser quelques questions à leurs futurs officiers. Ouais. Ensuite de ça, après le débat, le même jour, en fait, ce soir à 23h45, c'est le début de la période de vote. Oui, ce soir, sur votre portail étudiant, vous allez voir un lien à partir de 23h45, okay, où vous allez cliquer et vous pourrez voter à vos officiers. Vous avez jusqu'au 26 mars à la même oui, heure? Oui, juste au 26 mars à 23h45. Mm-hmm. Maintenant, ceux qui sont un peu fatigués d'aller sur le portail peuvent juste passer devant la bibliothèque, okay, au kiosque K1, K2. On a des tablettes, ils viendront juste cliquer, checker, aller sur le portail, cliquer sur le lien et choisir le candidat. Parce qu'à la fin, on fait un tirage au sort. Et on va donner trois certificats cadeaux à des. Oh. À tout. À, bon, en tout cas, trois personnes par hasard qu'on va choisir parmi les électeurs. OK. Pas pour de la pizza. Pas de la pizza, mais un certificat, trois certificats cadeaux de 25$. Ah, cool. C'est une bonne décembre. Et finalement, après le vote qui termine, comme on disait, le 26 mars, ça va être 23h45. Le lendemain, à midi, ça va être le dévoilement des résultats. Oui. Il y a le dévoilement le 27 mars, mm-hmm, à midi à la Chasse-Galerie. Okay. Et après les résultats, tout de suite, on ira à l'AG général. Je crois que ah ça, oui, fait, ça fit bien. C'est on a les résultats et après, tout le monde en bac au CAPS pour l'Assemblée générale. Oui, c'est l'Assemblée de grève le 27, oui, le même jour au CAPS. Donc, on va en reparler à la fin du processus. On va accueillir nos candidats du jour. En fait, on va commencer avec Archange Codeau qui se présente sur le poste de vie associative et environnement. Bonjour à toi. Bonjour, ça va bien? Très bien, merci. Mm-hmm. On va te poser les quatre questions officielles des élections à Stéphanie et moi. Et puis, je vais laisser les femmes commencer. Donc, Steph, première question, c'était... C'était moi? C'est toi, c'est la parfait femme. T'es la seule femme. C'est vraiment un groupe très, très mâle et viril, François. Ah, c'est ça. Oui, oui. Donc, première question. Pourquoi tu décides de te présenter aux élections de la GEQTR? Pourquoi j'ai décidé de me présenter? Ben, moi, je suis vraiment dans l'optique de m'impliquer dans la vie universitaire. Ça fait déjà longtemps que moi je m'impliquais déjà ici à l'université. Je pense que c'est très important en fait de s'impliquer. C'est les étudiants en fait qui font la vie universitaire d'une part. Et donc moi je pense que c'est quand même très important de s'impliquer dans la vie étudiante. Puis bon, j'aime aussi l'université qui nous donne quand même un cadre idéal pour travailler. Et j'aime aider mon prochain, donc c'est pour ça vraiment que j'ai postulé à la GE. Très bien. Quelles sont tes expériences antérieures du côté de l'implication étudiante ou tout autre implication? La première année, je me suis plus impliqué en fait au niveau de mon association étudiante, l'ASK. Mmh. Donc moi, je suis en admin. Plus dans les activités vraiment que dans l'organisation. Cette année, c'était plus à l'automne. À l'automne, c'était plus tout ce qui est organisation en fait d'activités. J'ai été beaucoup dans des comités, mais pas sur le campus, un peu plus à l'extérieur du campus, mm-hmm, pour organiser tout type d'activités. C'était principalement des soirées en fait. Mais c'est ça. Et depuis janvier, en fait, j'ai participé, si on veut, à la création d'une association de troisième niveau, qui est l'association française, en fait, des étudiants français ici à Trois-Rivières, et dont j'en suis le président actuellement. Okay. Mm-hmm. Cool. Ensuite, selon toi, qu'est-ce qui distingue un excellent officier d'un officier correct? Bonne question. je pense que c'est... C'est comment il aborde la tâche, je pense. Un excellent officier va chercher à en faire un peu plus que sa tâche ordinaire qu'il doit faire, je pense. Un excellent officier doit aussi être un peu capable d'aider un peu le reste de l'équipe, puisque c'est 9 officiers, il faut le dire. Et un excellent officier peut aider de temps en temps. Il doit être aussi bien organisé. Je pense qu'il doit prioriser les tâches essentielles d'abord. Donc je pense que c'est dans la gestion du temps que l'officier est bon. Ah, et la dernière, c'est quels sont les atouts nécessaires pour combler le poste sur lequel tu as posé ta candidature? Oh, il y a beaucoup d'atouts. Je pense qu'il faut être, comme je disais, bien organisé, parce que c'est quand même un poste qui demande beaucoup d'organisation. Il faut être en contact avec les responsables, il faut avoir les coordonnées, tout ça. Donc il faut être vraiment bien organisé. Ensuite, je dirais qu'il faut... L'équipe, pour moi, est très importante. Il y a 9 officiers et je pense celui qui a l'habilité de pouvoir bien gérer ça, de pouvoir être en harmonie avec son équipe, c'est un atout. Et aussi connaître un peu les institutions de l'UQTR, ça c'est aussi un atout puisque il devra référer les associations selon leurs problèmes. Voilà, donc on a posé les 4 questions officielles. On te remercie beaucoup, Archange Godot. Ben merci. Ex-président sur le poste de vie associative et environnement. Et il affronte, sans merci, Marc-Olivier Dumas sur le même poste. Donc on l'accueille. Merci à toi d'être avec nous. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Donc on a encore 4 questions et c'est moi qui vais commencer ce coup-ci. Pour commencer, donc pourquoi as-tu décidé de te présenter aux élections de la GFQTR? Ben moi, en fait, ça fait maintenant 3 ans que je suis à l'université. Ça fait 3 ans que je donne à fond. Je me suis impliqué déjà par le passé à l'université. Je me suis impliqué avant aussi université. Donc, j'ai participé beaucoup à différentes activités, le carnaval, différentes activités qu'on a organisées. Je me suis impliqué aussi plutôt de loin dans ces différentes activités-là. Là, ça fait 3 ans, comme j'ai dit, que je suis à l'université. Donc, pour moi, j'ai l'impression que c'est le temps de redonner un peu à ce qu'on m'a donné. J'aime ça m'impliquer tout, mais pour tout ce qu'on m'a donné, je veux redonner. Puis je crois que, justement, le fait que ça fait 3 ans, j'ai vu l'université, je connais un peu les instances. Ça fait quand même 3 ans que je tourne autour de la GE, tout ça. Je me suis impliqué dans mon bac. Donc, je pense que je serais quand même un bon candidat pour vraiment aider la GE à s'améliorer. Ensuite, quelles sont tes expériences antérieures du côté de l'implication étudiante, mais aussi à l'extérieur? Comme je l'ai dit, moi, l'implication étudiante, ça fait longtemps que je m'implique. J'ai commencé dès le secondaire à m'impliquer. J'étais dans mon conseil étudiant. Dès le secondaire, on a fait quelques activités, des forums étudiants où on rencontrait les différentes autres écoles. Donc, j'ai été sélectionné pour ça. Je me suis impliqué aussi au cégep. Je faisais partie de l'AGEC. Donc, j'étais à Chicoutimi à ce moment-là. Et j'ai fait partie de l'AGECC, donc du cégep de Chicoutimi. J'étais l'administrateur, en fait, de mon programme. Donc ça, j'ai adoré ces expériences-là. Quand je suis arrivé à l'université, je me suis présenté comme exécutant au niveau de mon baccalauréat au BES, enseignement au secondaire. J'étais vice-président au financement. Donc je me suis impliqué tout au long de mon parcours étudiant. Et là, ben pour moi, la GES, c'est ça, continue à s'impliquer, continue à donner aux étudiants parce que justement, c'est ça le fait. Ils nous donnent pour nous, mais à un moment donné, il faut qu'on redonne aussi. Ouais. On sait c'est quoi qui se passe dans l'université. Puis après 3 ans, on peut donner de meilleurs conseils, on peut mieux avancer parce qu'on connaît les réalités de l'université. C'est bon. À la question piège maintenant, qu'est-ce qui distingue un excellent officier d'un officier correct? Ben, un peu comme Archange Codeau l'a dit juste avant moi, c'est la façon qu'il aborde la tâche. Un officier correct va faire le strict minimum, des fois un petit peu plus, mais il poussera pas plus. Le bon officier, l'excellent officier, lui, va aller plus loin, il va essayer de voir de l'avant. Le travail d'équipe, c'est vraiment la base de n'importe quelle implication. Quand tu veux que ça fonctionne dans n'importe quoi, il faut qu'on travaille en équipe. S'il n'y a pas d'équipe, si tout le monde décide de travailler individuel, tout va stagner, tout va bloquer, on ne pourra pas avancer. En travaillant en équipe, justement, on va être capable de mieux avancer. Donc ça, déjà, c'est un des critères pour être un excellent officier, savoir travailler en équipe. Ne pas avoir peur de travailler, vouloir donner plus, toujours plus, être proactif par rapport à la tâche qu'on a, pas attendre qu'il y ait des problèmes qui arrivent pour travailler là-dessus, aller de l'avant, aller voir s'il n'y a pas une future problématique qui pourrait arriver. Donc, je vais vraiment être proactif, aller de l'avant sur les problèmes avant qu'ils nous arrivent à nous. Ouais. Et finalement, quels sont les atouts nécessaires pour combler le poste sur lequel tu as posé ta candidature? Le travail d'équipe, je crois que c'est un des gros atouts par rapport à ce poste-là. Au niveau de la vie associative, on va travailler avec les différentes associations dans l'université. Donc, il faut quand même connaître les instances, il faut connaître le monde qui sont là, le conseil d'administration de l'université, tout ça. Donc, connaître les gens en place, c'est déjà un atout. Savoir c'est qui est présent, savoir les différents besoin des associations, les différents problèmes de chaque association, car chaque association est différente. Administration, qui sont 2000 membres, est complètement différente de mon association enseignement secondaire, qui sont seulement 250. Donc, savoir les différences entre les associations, connaître les différentes associations, autant de deuxième niveau, de troisième niveau, tout ça va faire ça donne des atouts, c'est les atouts nécessaires. Le travail d'équipe, comme j'ai dit, c'est très nécessaire et moi, je suis prêt à travailler pour mon université. Je suis prêt à l'amener de l'avant. Je veux faire du milieu de vie étudiant le meilleur possible. Voilà, c'est dit. Merci d'avoir répondu à nos quatre questions. Donc, c'était Marc-Olivier Dumas qui se présente au poste de VP à la vie associative et l'environnement qui affronte Archange Codo qu'on a reçu précédemment. Donc, bonne chance à vous deux. Bonne chance à toi. Merci bien. Marc-Olivier. Merci beaucoup. Alors, quelques instants, il nous reste une candidate à recevoir. C'est celle qui se présente au poste de VP académique de premier cycle, Noémie Bélanger, dans quelques instants. Mais avant ça, on s'en va entendre une pièce de musique de Mastic sur le côté francophone du palmarès. Voici Nouveau Empire au 89.1 FM. Tu es furieux, tu es furieux. C'était Mastic et Nouveau Empire. J'espère qu'ils seront pas pires, hein, les candidats vous allez, pour lesquels vous allez voter aux élections de la GQTR. C'était un lien douteux que j'allais faire vers le retour à nos candidats. Il nous reste seulement une candidate à recevoir pour ces élections de la GE et c'est Noémie Bélanger qui se présente au poste de VP académique de premier cycle. Bonjour à toi. Oui, bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Très bien. Merci de m'inviter. Ah, mais merci d'être avec nous. Donc, on a quatre questions à te poser. Toujours en même ordre, toujours de la même façon et c'est Stéphanie qui commence avec ça. Mm-hmm. Donc, première question. Pourquoi as-tu décidé de te présenter aux élections de la GE-UQTR? Eh bien, premièrement, depuis que je suis à l'université, dans le fond, ça fait un an et demi, je suis dans la deuxième année en biologie médicale, je me suis impliquée au sein de la GE-UQTR, puis je connais quand même bien les instances, donc je sais comment ça fonctionne, donc je considère que c'est une excellente occasion en ce moment pour plus m'impliquer, donc je désire aider les membres de ma communauté, puis le poste de VP premier cycle, c'est vraiment un poste qui sied à mes intérêts et autres. Mm-hmm. Quelles sont tes expériences antérieures du côté de l'implication étudiante ou toutes autres implications? Tel que je l'ai mentionné auparavant, dans le fond, ça fait un an et demi que je participe à la vie étudiante au sein de la GE-UQTR. Donc, je siège sur le conseil d'administration depuis ma première année. Et je fais partie de plusieurs comités, dont certains qui sont à caractère académique, comme le comité des affaires pédagogiques et notamment la sous-commission de premier cycle. Donc, mes comités académiques, je les aime beaucoup. Je vais revenir un peu à la question. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai choisi le poste. Mm-hmm. Ensuite, selon toi, qu'est-ce qui distingue un excellent officier d'un officier correct? C'est une excellente question. Je dirais qu'un bon officier, c'est un officier qui respecte la liste, ses mandats ainsi que la liste de ses tâches. Donc, il fait ce qu'il doit, c'est très bien, c'est comme, donc un bon officier. Cependant, un excellent officier va pousser, il va se dépasser, il va vraiment avoir plus, je dirais, à cœur la GE-UQTR, il va dépasser les attentes, il va aussi avoir un bon teamwork, si je peux me permettre l'expression, avec, dans mon cas, ça serait le VP au cycle supérieur, oui. Puisque l'on travaille quand même ensemble, puis sinon aussi avec l'ensemble des 8 autres membres de l'exécutif. Voilà. Et pour terminer, quels sont les atouts nécessaires pour combler le poste sur lequel tu as posé ta candidature? Et je dirais que le premier atout, premièrement, ce sera avoir à cœur la GE-UQTR ainsi que les étudiants. Donc, je souhaite aider les étudiants et c'est un peu mon rôle, si je le deviens, c'est le rôle de la vice-présidence aux affaires académiques de premier cycle. Sinon, les autres atouts, je dirais que c'est un excellent atout, bien connaître les instances de la GE-UQTR, donc comment ça fonctionne à l'interne, c'est que j'ai quand même un petit peu d'expérience. Aussi, de connaître un peu les comités où co-préside la vice-présidence au premier cycle, je dirais que c'est un bon atout, je fais déjà partie de certains de ces comités-là. Sinon, je dirais vraiment, je vais retourner avec avoir à cœur les intérêts des étudiants de la GE-UQTR, puis désirer vouloir s'impliquer. S'impliquer, je dirais. Ben, c'est assez, ça. C'est, oui, c'est quand même bien. Ouais. Noémie Bélanger qui se présente au poste de VP académique de premier cycle. On te remercie. Et merci à vous de m'avoir invité. C'était la dernière candidate des élections de la GE-UQTR. Déjà. On a reçu beaucoup de gens. On va retourner à notre ami Manfous Lawani pour parler un petit peu des dates de tout ça. Donc, rebonjour à toi. Oh, excuse-moi, je t'ai pas dit. Salut, c'est ma faute. Donc, on a plein de choses à dire. Pour commencer, le débat qui a lieu aujourd'hui à 16h à la Chasse-Galerie, comment est-ce que ça fonctionne, ce débat-là? Bon, qu'est-ce qui va se passer ce soir? Venez tous à la chasse. Les candidats seront juste devant vous. On va leur poser les questions que le comité a sélectionnées. Et après, les étudiants qui sont présents pourront leur poser les questions qu'eux, ils veulent. N'importe quelle question. Oui, n'importe quelle question. D'accord. Comme, est-ce que tu la prends toute garnie ou pepperoni seulement à ta pizza, mettons? Parce qu'il va y avoir des pizzas! Non, mais ça, c'est pas une question qui a rapport avec non. La GE. Ah, ben voyons donc. C'est pourtant certain que c'était important Mathieu, pour vous. Vas-y plus, c'est plus des questions à intérêt général que des questions par rapport à des pizzas. Ça n'a pas de rien à la GE. Écoutez pas. Donc, c'est à 16h, la Chasse-Galerie. Oui. Ensuite, la période de vote débute à 23h45 ce soir. Oui, ce soir, à 23h45, sur le côté étudiant. Le lien va s'afficher ce soir. Et vous pourrez tous voter, soit venir au kiosque, devant la bibliothèque, en 1K2. Et nous avons des tablettes. Vous allez juste entrer votre porte-monnaie, votre CPA, et puis vous allez aller sur votre portail. Donc, on a besoin de doigts. Oui, besoin de doigts. Oui, juste les doigts. OK. Et la chose la plus intéressante, c'est qu'on a 3-4 certificats cadeaux à partager, qu'on va tirer au sort, et qu'on donnera le jour des résultats, qui est le 27 mars à midi à la Chasse-Galerie. Génial. Donc, soyez là le 27 mars midi. Les élections qui ont lieu jusqu'au 26 mars à 23h45. Oui. Donc, le soir juste avant le dévoilement des candidats. Et puis, c'est très important de voter. On souhaite un taux de participation. Est-ce que tu sais le pourcentage qu'on souhaite? Oui, actuellement, on souhaite un taux de participation environ de 15%. OK. Ce qui serait une bonne amélioration par rapport oui, à l'année dernière. Par rapport à l'année dernière, on avait 7%. Exactement. Donc, essayez de faire votre devoir d'étudiant de l'UQTR en votant pour les élections générales de la GEQTR. On te remercie, Manfous Lawani. Merci à toi. Merci beaucoup à toi aussi. Et on se recroise un jour. Suis-moi. Les élections des candidats, donc des élections de la GEQTR. Les capsules, pardon, vont être sur le site de Cifou, cifou.ca, dans la section entrevues. Mm-hmm. Et puis elles sont sur Facebook aussi pour écouter les candidats des précédentes fois qu'on a fait ces capsules-là. Donc allez-y sur le Facebook ou sur cifou.ca. Nous, on va déjà prendre la pause. Mm-hmm. On est rendu là parce qu'après ça, on a tout plein d'autres contenus à faire. David Ferron s'en vient avec sa chronique Les Notes Salées. Puis après ça, on va ouvrir une boîte mystère. Dans 5 minutes, ça ne devrait pas là. À son âge requis. Jusqu'à 9h30. Fou de folk. C'est fou. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes à Assemblage requis en ce lundi 23 mars 2015 et Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Blanc. Ah, ah, ah, ah, ah. Maintenant que vous êtes au courant des vraies choses, des élections de la GEQTR, on va se renseigner sur des choses complètement différentes de ça, des choses pas moins importantes, mais différentes à un autre degré, mettons. T'sais, on l'apprécie, mais il n'est pas aussi proche de nous autres que le vote des élections. Mettons, on se sent moins concerné. C'est ça. Si je vais voter pour lui ou la chaise, la chaise a des arguments pour. Là, ouais. À quatre pattes. À quatre pattes. Quoique, David, on sait pas qu'est-ce qu'il fait. T'sais, il est peut-être à quatre pattes des fois. Ben, il va. Si on dit d'être à quatre pattes. C'est moi, ça, son micro est ouvert. Ouais, comment ça? Puis d'habitude, quand on dit qu'il est à quatre pattes, il se met à quatre pattes et il aime ça mimer les affaires quand on lui dit de faire. Mais bon, d'après moi, il y a un rendez-vous après puis il va être propre. C'est ça, il veut que ses genoux soient propres. Donc, c'est David Ferron, voici les notes salées. La sauce soya, là, faible en sodium. C'est dégueulasse. C'est un peu comme le V8, faible en sodium. C'est pas terrible. Fait que finalement, les notes salées, ça a l'air de rien, mais c'est positif. Look at my nuts. C'est le bon. Enfin, quelque chose de gentil sur moi. Merci, Steph. Tu ensoleilles ma journée. Donc, toi, t'es pas faible en sodium, là. Non, je suis riche en sodium, mais sans nécessairement détruire les gencives. Ah, les gencives. Ah, je pensais te dire que t'étais plein de ferron. Oui. C'est sûrement un élément du ferron, tu sais. Des vrais épinards. Des vrais épinards. Donc, David Ferron, les notes salées, on te retrouve une fois de temps en temps pour parler de musique du monde la plupart du temps. Mais je sais qu'aujourd'hui, t'as quelque chose de spécial de prévu. Ouais. Donc, tant qu'à être dans la vague politique avec les élections de la GEQTR, d'ailleurs, c'est très important d'aller voter. Je l'ai dit tantôt, ça, que c'était plus important que toi. Je le sais. C'est pour ça que je l'ai dit moi-même. Je l'admets. Voter. Oui, voter. Oui, et là, parce que vous savez, ces temps-ci, le gouvernement aime beaucoup les gens, d'après moi. Oui. Mais ça, c'est une opinion personnelle, peut-être. Ils sont altruistes, qu'on appelle. Ben, en fait, peu importe le point de vue qu'on adopte, moi, personnellement, je suis un petit peu frustré après ce gouvernement-là. Alors, mais voyons donc, comment ça? Ouais, t'as aucune raison. Ben non, je suis juste frustré de la vie, tu sais, je veux dire, je vois un Kalinours puis j'ai le goût de le gonner. De le gonner, ok. C'est la vie, non. T'es de bonne humeur, hein? Ouais, vraiment. Mais non, là, je suis un petit rire diabolique en plus, mais non, j'avais besoin de m'exprimer sur ce gouvernement-là qui coupe et qui coupe et qui coupe, et on sait pas où est-ce que les coupures vont, on sait pas pourquoi quand le ministre de l'Éducation dit « on coupe pour le bien de nos enfants », c'est ben, bizarre. Là, s'il faisait ça, il utiliserait des couteaux à des ciseaux à bourron, puis ça saignerait pas autant de partout dans chaque domaine. Ça. Exactement. Ça, c'était pour les enfants. Non, mais qu'est-ce que tu veux? L'éducation, c'est pas de la pâte à modeler? Ah, pour de quoi les autres? Cure-pipe. Ouais, en plus, c'était le fun, ça. Ouais. Mais bon, je vais lire ma lettre. En fait, ça s'appelle Fibre Nationale. OK, rien à voir avec les All Brands. Ben, un petit peu, ça fait aller. C'est ça? Ben, en fait, vous êtes en plein dans le mille parce que, en fait, je vais commencer à lire ma lettre. OK, on t'interrompra pas pendant la lettre, juste pour te dire qu'on fait nos blagues avant et on va les faire après, tantôt, mais pas pendant. J'espère juste que ça sera pas des blagues pour dire que ma lettre est poche. On verra. On va te laisser la lettre. Prends des notes, Mathieu. C'est ça. Mais c'est plein de métaphores. Ouais, métaphores. On t'écoute, David Fer. Alors, cher gouvernement All Brain. Tu as encore décidé d'envahir nos armoires de tes boîtes au faible contenu nutritif mais pouvant causer l'indigestion. De plus en plus, les ingrédients médicaux contenus dans ta nourriture s'ingèrent comme une pilule qui passe de travers. Des gens sont en train d'essayer de cultiver un beau petit potager avec peu de moyens. Toutefois, tes outils mécaniques de jardinage ne font que décimer peu à peu les efforts de nos vaillants et vaillantes jardinières après avoir pris les légumes disponibles. Étrangement, ces outils ne passent pas sur les grands champs des ranchs de tes amis multimillionnaires qui, eux, n'hésitent pas à lâcher leurs chevaux dans la cour de nos pauvres jardiniers pour brouter le peu d'herbe disponible. Après les légumes volés et les potagers en cendres, le festin de la bavette. Le chef cuisinier qui occupe le gouvernement va toujours protéger les exécutants malgré une incapacité d'arriver avec une cuisine mature et aboutie contenant des portions équitables pour tout le monde. De toute façon, si les carottes sont trop cuites, ton chef cuisinier va aller faire croire à la plèbe qui attend son pain que ses carottes sont fraîches. Ton épicerie offre des produits de plus en plus coûteux car tu souhaites rentabiliser ce que tu considères comme une entreprise et non un projet de société. Parce que bien sûr, les coops, c'est pour les pelleteux de nuages. Le hic, pour pelleter autre chose de plus concret, il faudrait arrêter de couper dans la chair de la dinde de la face collée sur l'os. Heureusement, des gens ont décidé d'arrêter de se faire manger la laine sur le dos parce que oui, ton gouvernement bouffe n'importe quoi tant que ça te rapporte. Ces personnes ont décidé de te faire comprendre qu'il faut que tu arrêtes de prétendre que nous sommes capables de bouffer de la brioche et qu'on doit t'en donner deux, alors qu'en réalité, nous n'en avons que le quart d'un seul. Ils souhaitent, en fait, ces gens-là souhaitent ultimement que ta tête arrive sur tes épaules. Ah. Hein? C'est rempli d'analogies, ça. Mm-hmm. C'était super bon. David Ferron. Ben merci. Bien écrit. Je l'ai dédié à Éric Duhaime. OK, oui, qui j'imagine a dit exactement le contraire. Sur les ordres quelque part là-dedans. C'est la même chose, mais écrit à l'envers. Peut-être, oui. Donc, David Ferron, ce texte-là, c'est évidemment un texte de ta propre création. Et puis, on peut te féliciter par Facebook. J'imagine quelque chose comme ça, si on a des commentaires là-dessus. Oh, ben, si les gens veulent m'envoyer des tomates, tant qu'à être dans le commentaire gastronomique. Des légumes, ouais. Oui, ou peut-être. Justement, j'espère juste que c'est sûr que mon but, le gouvernement va pas écouter cette lettre-là, mais j'avais besoin de m'exprimer, pas nécessairement de dire que le gouvernement est un voleur, ce qui est pas le cas nécessairement, mais de comment la distribution des richesses et comment on doit traiter les problèmes de société au niveau financier. Très bien. Donc voilà pour la lettre au gouvernement que tu nous as présentée. Oui. En deuxième temps, ta chronique aujourd'hui, c'est le Festival de musique du Maghreb. Oui, mais avant, on va avoir une chanson de transition qui s'appelle « Les dirigeants africains » parce que oui, en Afrique, dans certains pays en Afrique, le gouvernement non plus, on peut le considérer vraiment corrompu, contrairement au Québec que Philippe Couillard semble essayer d'enlever la corruption dans son gouvernement, mais le groupe qui s'appelle SMOD, en fait, dénonce certains dirigeants africains qui s'en mettent plein les poches. On écoute SMOD, les dirigeants africains, dans les notes salées, avec David Ferron. Yes! Manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Pendant que le droit interne est confisqué, nous on nous parle ici manga d'unité. Pendant qu'il y a des journalistes qui sont assassinés, on nous parle de liberté. D'ici en Afrique, la passion domine toujours la raison. Ça me fait chier, ça me fait chier. Avec tous ces phobies, le peuple souffre, le peuple souffre, ouais le peuple souffre. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement. Mais travaillez beaucoup, créez des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Yes, crime, viol, coup d'état et meurtre. Voici ce qui tue l'Afrique et son peuple. Le ville en ville, loqué de voyage inutile. De Djamina à Djabali, toujours le même style. Parlez, criez beau, mangez beaucoup trop. Les dirigeants de l'Afrique sont synonymes de faux. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Dirigeants, voilà, et là, là, les données. Ameka ou la djé, Ameka la djé. Gérance totale, aya déjà racisi. Gérance totale, aya déjà racisi. Gérance totale. Parlez beaucoup, mangez l'argent. Voyagez beaucoup seulement. Mais travaillez beaucoup, créez des choses. Emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains. Les dirigeants sont comme ça. Oh yeah, oh yeah. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement. Mais travaillez beaucoup, créez des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Oh yeah, les dirigeants africains, les dirigeants sont malhonnêtes. Les dirigeants sont comme ça. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Gatillo de Yala, Sotrotara, Sotronana, Moutmate Wouloutena, Abek Ongle Djegen. Qui sera le juge pour l'Afrique qui s'accuse? Pendant que ton peuple agonise dans la rue. Yes! Crime, viol, coup d'état et meurtre. Voici ce qui tue l'Afrique et son peuple. De ville en ville, loqué de voyage inutile. De Djamina à Djabali, toujours le même style. Parlez, criez beau, mangez beaucoup trop. Les dirigeants de l'Afrique sont synonymes de faux. Qui sera le juge pour l'Afrique qui s'accuse? Poup, ah voilà. Poup, c'était le groupe SMOD avec les dirigeants africains. Ça va me rester en tête un petit peu, celle-là, je pense. Oui. Le petit refrain est quand même catchy, ouais. Ouais, c'est accrocheur. Exactement, c'est voulu. Mm-hmm. C'est une potion que j'ai mise sur la toune. Une potion. Il a mis un petit peu de fleur de sel. Ah, ouais. Voilà. Un vrai magicien des fruits et légumes, comme on a appris tantôt. Là, on parle du Festival de musique du Maghreb, David Ferron. Oui, en fait, qu'est-ce que c'est que ce Festival de musique du Maghreb? En fait, cette année, c'est la 23e édition et c'est organisé par Nuit d'Afrique. Parce que souvent, on entend le Festival des Nuits d'Afrique qui a lieu à tous les étés. Mais... Pourquoi la nuit? Ouais, pourquoi la nuit? Parce que, c'est une bonne question, mais c'est souvent les spectacles ont lieu le soir, ben pas tout le temps, mais je sais pas si c'est pour le côté nuit, on s'évade, tout est permis. Ouais. Ou, mais c'est une bonne question, Steph. Parce qu'on voit juste le sourire des gens. Ben oui, justement, c'est la nuit lunaire, la lune qui éclaire la musique. Oh, que c'est beau! Ouais, je sais pas quoi dire à ta question, mais c'est une trop bonne question, sérieux. Mais en fait, c'est ça, Nuit d'Afrique qui organise un festival, mais tout au long de l'année, Nuit d'Afrique organise des activités comme et des événements, tout comme le Festival de musique du Maghreb. Et là, il y a trois soirées. Donc, c'est-à-dire le 26, le 28 et le 29 mars. Pour le 26, c'est l'Ekbir. Qui est l'Ekbir? Eh bien, il y a quand même... un parcours très intéressant, c'est que d'abord, il s'est notamment allié avec Polo. Polo des Frères à cheval. Ah, OK, OK. Oui, pour faire un duo. Pas le chandail. Non, non. Le Polo. Polo, les Frères à cheval. Oui. Eh oui, donc il s'est allié avec lui pour faire le duo Maktoub dans le temps. Donc, l'Ekbir roule sa bosse avec six musiciens. Donc là, dans ce show-là qui aura lieu au Club Balatou. Club Balatou, à Montréal, c'est comme le temple de la musique du monde. Le temple? OK, pas le temple comme le bar, le temple? Non. OK. c'est juste le temple. Ben, c'est une manière de parler pour dire que c'est là que vous voulez voir de la musique du monde. C'est le, d'accord, c'est l'endroit par excellence. C'est bon. Donc, justement, Lekbir va reprendre ses chansons à lui quand il était avec le duo Maktoub, mais aussi des vedettes du Maghreb comme Khaled ou Rachid Taha, qui sont des gros noms. Mm. Là-dessus, donc, c'est le show qu'on va pouvoir voir le jeudi 26 mars au Club Balatou. Donc, le 28 mars, un groupe vraiment, vraiment excellent. L'album de Erad est excellent. Il a même été aux Juno Awards en nomination. Ça, c'est comme les Grammys canadiens. OK. Et aussi, il faut le dire, même calibre, c'était sur le palmarès musique du monde de C'est fou, là. Oui. C'est ça. Oh, oui. Junos puis palmarès du monde, même oui. combat. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Exactement. Ben oui. Donc, c'est une lutte acharnée, Junos, palmarès du monde, que vous pouvez écouter tous les jeudis à 16h. PDM, PDM. Non, il n'y a personne qui dit ça, PDM, palmarès du monde. Il n'y a personne qui dit ça. PDM, non? Hashtag PDM, non? Non, non. Okay. C'est palmarès du monde. Okay. Parce que, tu sais, c'est tellement avec de l'amour qu'on présente ces cinq chansons-là chaque semaine, les cinq meilleures chansons de musique du monde, qu'on dit palmarès du monde. Puis tu veux pas l'abréger? Non, non, vraiment pas, parce que tu le veux au complet. Oui. Voilà. Avec David Ferron. Justement, Erad, justement, avec la chanson Fauché a été numéro un de ce palmarès-là, mais Erad a de plus en plus une belle couverture médiatique de la part, par exemple, de la presse. Les critiques sont vraiment excellentes par rapport à l'album éponyme. Vraiment, le groupe Erad qui a sorti l'album Erad, c'est vraiment excellent. C'est un mélange de reggae, de rail, de musique maghrébienne avec la pop, du rock. Vraiment, c'est un disque qui est dynamique, qui est pépé, qui est original, sans être trop déstabilisant. Erad, là? Est-ce que tu sais, quand tu dis que ça joue dans plusieurs médias, est-ce que la liste pourrait finir par, mettons, tu sais, je sais pas, la presse en a parlé, tu sais, et Radio-Canada? Erad? Ben, pourquoi Radio-Canada? Pas? Oui, je pense que ça joue, là, tu me trompes bon, pas. Trop mais... sérieux comme réponse à mon gars. Ouais, je l'ai essayé. On dirait que. C'est trop pertinent. Mm. Eh bien, j'ai essayé d'avoir un jeu de mots, mais je suis pas capable de faire des jeux de mots. Mais c'est le meilleur. Je suis capable de faire des poésies, mais. Mais non, t'étais le meilleur pour le jeu de mots. Donc, pour continuer sur le spectacle qui aura lieu au théâtre Fairmount, cette fois-ci avec le groupe Erad, eh bien, ça va être le groupe Erad. En première partie, c'est le chanteur et musicien Hamid Ouchen qui va ensorceler avec ses compositions. Ça va être très bien comme spectacle. En tout cas, malheureusement, je ne pourrais pas y aller, mais ça va être excellent. Mais c'est sûr que c'est tous les exercices que je vous présente, c'est des exercices qui valent la peine d'être connus. Donc, l'autre spectacle, c'est le dimanche 29, toujours au Club Balatou. Et là, c'est le groupe Maro Couleur. Et le groupe Maro Couleur joue notamment de la musique Gnawa. C'est quoi de la musique Gnawa? Ça, c'est de la musique qui est issue du Maghreb. Et c'est, en fait, ça a été inventé, pas inventé, mais mis sur pied par des esclaves qui venaient de l'Afrique de l'Ouest, qui ont été déportés par, en fait, par les Arabes qui étaient à la conquête de l'Afrique et qui les ont déportés plus dans l'Afrique, ce qu'on appelle l'Afrique noire, comme le Ghana, le Mali ou encore le Sénégal, par exemple. Donc là, ils ont, en fait, c'est, si je peux dire ça, pas déportés, mais les gens qui ont été jetés dans cette Afrique-là, dans cette partie de l'Afrique-là, ont inventé le Gnawa, qui inclut un instrument de musique qui s'appelle le Gwambi, qui est un espèce d'instrument à cordes, et là, c'est comme un une guitare. C'est pas un petit monstre vert, ça, en plastique aussi? Ça, c'est Gwambi! Gwambi, ouais, c'est ça. Mais non, ça, c'est Gwambi. Gwambi, ouais, exact. Oui, c'est proche. Pas tout à fait. Non. C'est plus mélodieux, le Gwambi, que le Gwambi. Le Gwambi est une affreuse chose verte. Oui, exactement. Tandis que le Gwambi, c'est une guitare avec la manche et l'espèce de corps qui est en rectangle. Ah, OK, OK. Fait que c'est vraiment bien. Ouais. Puis le gumbo, lui? Ouais. Gumbo, ça, c'est plus de la bouffe. Une soupe, ça? Ouais, ouais, quelque chose. Non, mais c'est un légume. Ah, ah, avant oui. d'être transformé. Ah, oui. Aïe, aïe. Alors, on apprend sur tout plein de domaines. Stéphanie a des... T'as faim, toi, Stéphanie? Attends, c'est quoi aussi? C'est un Goomba. Je pense que c'est les affaires que tu sors dessus dans Mario. Les Goombas, les Goombas. Ah, ben oui. Les Goombas, ouais. Là, il y a les Gummies. Les Gummies. C'est les petits nounours que tu manges. Des Gummy Bears, ben oui. Je pense que c'est assez. Eh oui, mais moi, je voudrais plutôt faire savourer de la bonne musique et je vais vous présenter justement une toune d'Erad. Donc, Erad et... À l'érable, t'as dit? À l'érable. Ça, c'est aussi délicieux. Ça, la musique d'Erad, c'est comme du sirop qui coule dans nos oreilles et c'est un délice dans nos oreilles. Du tympan. Ouais. Oui. Ah. C'est de la musique qui coule dans nos tympans. Très ça, bien. Ça va t'arracher les poils après, ça? Ah, pas du tout. Ça, non. Vraiment, non, ça... Non, non, est-ce qu'il va aller licher après dans tes oreilles? La langue dans ton oreille? Ah. Ton ancienne... Tu plugues mes anciennes émissions, j'en reviens pas. Donc, Erad? Oui, Erad avec la pièce Moroccan. Donc, on va écouter ça tout de suite sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM. Et oui, c'était Erad avec justement Moroccan Gospel tiré de l'album éponyme Erad que je vous conseille vivement de vous procurer, d'écouter, d'acheter, bref, tant que ça rentre dans vos oreilles, mais ça rentre pas de manière forcenée. Forcenée. Oui, vos tympans vont s'ouvrir à ce son-là. Tout à fait, il faut s'habituer et c'est comme ça qu'on le fait à chaque semaine. Les lundis à 8h30 avec David Ferron, on ouvre nos oreilles à d'autres musiques d'ailleurs. Exactement, et pourquoi on vous a présenté cette pièce-là, c'est que Erad va faire partie du festival de la musique maghrébienne. En fait, c'est un festival qui a lieu pour la 23e édition. C'est ça, c'est le festival de musique du Maghreb qui aura lieu 3 dates. Erad va se produire le samedi le 28, mais il y a également aussi Lekbir le 26 mars et finalement Maro Couleur le 29 mars. Excellent. Donc, 3 dates à retenir dans votre agenda. Tout à fait. Et si vous n'avez pas assez d'affaires à retenir, mais écoutez, Palmarès du Monde, PDM, les lundis entre 16h et 17h. PDM, j'aime jeudi, bien ça. Excuse-moi, jeudi. Jeudi 16h. Oui, exactement. PDM, c'est pas l'émission où il essaie des voitures, puis... RPM, ça. Ah, excuse. Ouais, ouais. C'est mêlant. Faut pas se mêler entre l'émission de char et l'émission de musique du monde. Quasiment pareil. C'est une émission qui va vous conduire vers les sommets de la musique du monde. Ah. Voilà. Sur les routes du bonheur. C'est beau. On dirait le titre de l'émission du matin à Jean-Rette FM. Oui, ça a l'air de rien, mais c'est un petit vite. Un vrai petit vite, oui. Mais pas autant que tes jeux de mots, Mathieu. Tes jeux de mots vont plus vite que l'ombre de ta langue. Que l'ombre de ma ouais, langue. Ouais, mais la vitesse, c'est pas tout. y a la pertinence, la qualité, puis la masse et égale le volume au carré, c'est ça? Ah non, pas de la physique, ça n'a pas. Ah, je comprends rien. Donc jeudi 16h, PDM, en rappelle les lundis. Oui. Donc soyez-y, sur les ondes de C'est Fou 80 FM. Exactement. Merci David Ferron. Ben merci de m'avoir accueilli, Steph et Matt. Avec les notes salées. Yeah. Yo. Tout à l'heure, il va nous rester encore la chronique bonus de 5 fois, ça devrait répondre là. On a quelque chose à faire avec vous. Si vous avez déjà entendu l'émission une fois à un moment donné, vous avez peut-être tombé sur cette chronique-là, puis on avait bien du plaisir ensemble. Donc on va faire ça tantôt. Mais avant ça, on écoute Viet Cong avec Continental Shelf, parce que peut-être qu'on aura besoin d'une tablette qui fait tout le continent pour pouvoir mettre les affaires qu'on va déballer tantôt. Comme une tablette de... Ouais, c'est l'assemblage requis. Continental Shelf par évidemment Viet Cong. Au retour, ça existe ou ça ne devrait pas, on l'a. Édition bonus à Assemblage Rocky. C'est tout. C'est la dernière demi-heure, fait qu'il n'y a pas plus de choses à dire que ça. Fou de passion. C'est fou, 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes à Assemblage requis en ce lundi 23 mars 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Lui, c'est Stéphanie Paradis. Ah, tu m'as mêlé. Je t'ai mêlé. Je voulais que tu finisses ta bouchée de muffin. Mais ça change rien. C'est quand même toi qui commence. C'est vrai, c'est ça. Ouais. Bref, c'est la dernière demi-heure d'Assemblage Rocky pour ce lundi matin. Et une fois de temps en temps, une fois par mois en ce moment, je te dirais, on reçoit un petit colis du Père Noël, mais pas vraiment. Parce qu'on l'a payé. On l'a payé, c'est ça, c'est nous-mêmes, nos propres Père Noël. On a passé la Loot Crate. On l'a déjà fait une fois et on sait ce qu'on allait répéter l'expérience pour les dernières boîtes qu'on allait recevoir. Donc on va déballer ça ensemble. Voici, ça existe, ça devrait répondre là. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a habituellement à coller qu'on achète des gadgets sur Internet. Dans ce cas-ci, on achète des boîtes mystères. Et depuis l'automne, je te dirais que c'est peut-être notre cinquième boîte. C'est notre quatrième. Il en reste deux autres. Ouais. On embarque sur un deuxième cycle, finalement, de trois boîtes. Malgré nous, c'est ça. Faites attention aux petits caractères qui disent que ça va être auto-renouvelé dans ce temps-là. Mais bref, on parle de Loot Crate. C'est une boîte mensuelle de choses pour geeks et pour gamers. Qu'on dit sur leur site web. Donc, on nous envoie par rapport à un sujet précis, différents objets. Par exemple, la dernière fois qu'on s'est parlé de ça, c'est la boîte Play. Ça s'appelle la boîte Play. Tellement! Dans laquelle il y avait une petite affiche, un poster, un jeu de dés, une petite figurine à colorier, une petite bestiole qui marche tout seul. Donc, c'est Est-ce de la que boîte tu l'as Play. Coloré, ta petite figurine? Je l'ai pas encore coloré, mais j'ai joué avec la petite bibitte un peu. Ouais. J'ai feuilleté le livre un peu. Est-ce que ton chat a apprécié la petite bibitte? Oui, vraiment. Ouais, vraiment. En effet, c'est le genre de choses pour moi. Cette petite bibitte qui a des pattes en dirait d'araignée qui bouge tout seul. Elle spine pas mal. Toi, t'as joué au dé de roche-papier-ciseaux, hein? Non, mon chat, mais il a pas voulu. C'est des dés avec roche-papier-ciseaux dessus et les deux personnes jouent avec un dé. C'est pour les manchots. C'est un peu ça. Donc, c'est le genre d'objet qu'on avait dans la Loot Crate du mois passé, ou en fait, il y a deux mois, c'est sûrement celle du mois de janvier. Là, j'imagine que c'est celle du mois de février, peut-être? Oui, c'est ça. Parfait. Je sais plus. En tout cas, c'est pas mal important. C'est l'autre d'après. Est-ce que tu... Ah, c'est ça, parce que je peux pas parler du thème, parce que je crois que le thème fait référence à l'autre boîte d'après, genre. Mais après le play, tu as le thème? Celle-là, après le play? Je crois que c'est covert. Covert. Je crois vraiment que c'est ça, mais je suis pas certain. Ben, si c'est celle après le play, ouais, c'est celle-là. Je pense vraiment que c'est celle après le play. Ça veut dire quoi, ça? C'est un peu genre agent secret, peut-être pas détective, mais pas mal enquêteur. Ah, ça vient peut-être moins me chercher. C'est covert, même que je pense que c'est... Parce qu'il y a un gros cigare de Colombo? Peut-être. C'est peut-être un peu à la Incognito, un peu covert. Bien dans ma peau. Il y a sûrement, sûrement un mot pour ça, c'est secret ou furtif, genre caché. Il y a clairement un CD de Céline Dion là-dedans. Peut-être. Et je l'ai déjà, en soit dit en passant, Incognito. Oui. Ouais, c'est gênant, hein? C'est un peu gênant, quand ouais. J'étais petite, là, je sais pas pourquoi, j'ai eu ça en cadeau. Ah, ben, Krim, t'as des gens qui te connaissent bien. Hein, c'est... En tout cas. Bref, la Loot Crate, c'est quelque chose qu'on peut se procurer sur Internet, sur lootcrate.com, en faisant attention de cliquer sur le petit drapeau canadien. Pour 30$ avec shipping et frais d'envoi, manutention, tout ça, port et manutention inclus. Donc, c'est une valeur de plus de 40$ par boîte. C'est ça, une communauté qui grandit de plus en plus. Et si on s'inscrit pour les trois prochaines boîtes, on peut aussi participer au concours pour faire tirer une méga boîte pour 2000$ de stock gratuitement. Pourquoi on la gagne pas, donc? Ben, parce qu'on a juste participé deux fois... Peut-être qu'il faut participer plus que ça, je sais pas. Ouais. Je sais pas. T'as des plans? Est-ce qu'on parle un peu de comment s'abonner, mettons, avant d'ouvrir la boîte, encore? Donc, on peut s'abonner pour un mois pour 30$, ensuite pour trois mois pour 28$ par boîte, si on va un petit peu, 6 mois pour 27$, et t'as un plan pour une année avec un bonus additionnel d'un chandail pour 312$ en tout. T'économises 50$. T'économises plus que le prix d'une boîte, en fait. Une boîte et demie, à peu près. Ouais, faut que tu veuilles déjà à long terme. Exactement. Mm-hmm. Faut que tu sois embarqué dans l'engrenage. Nous, je sais que ça va nous manquer à la fin, tu sais. Mais oui, on s'attache. On s'attache. À chaque fois qu'on la reçoit, comme là, on l'a reçu vendredi. Ouais. On avait hâte de l'ouvrir. On a attendu... En fait, on l'aurait eu jeudi si j'avais été chez nous. Oui, on l'aurait eu vendredi si on n'avait pas attendu de l'ouvrir à la radio. C'est ça. Donc, on a un micro magique qui va nous permettre de deviner les objets dans la boîte, parce que c'est toi qui vas y aller à tâtons dans cette boîte-là, qui est un petit peu plus petite que la dernière fois. Elle est faite format grand livre, je te dirais. Elle est plate et... pas très haute. Elle est plate et large. C'est ça. Donc là, j'essaie d'enlever le plastique pour... Ah, Yeah. Ah, on l'entend tellement bien. Je pense que je suis en train d'ouvrir à l'envers. OK, comme ça. OK. Donc. La main dedans. J'ai la main dans la boîte. Oh, c'est du tissu. Je pense qu'il y a un t-shirt. OK. Ça doit pas être des bobettes. Ah, c'est non, c'est assez grand. Ça doit être... Soit c'est des bobettes pour toi, donc c'est pour les grosses... Les grosses entrejambes. Ouais. Alors, c'est un t-shirt. Et ça pourrait être quoi avec la thématique, là? Covert. On rappelle, donc le thème est secret furtif, cachetier, agent privé. Ah, oh, je suis curieuse. OK, c'est noir et blanc. OK, c'est quoi? C'est un t-shirt. Ah, c'est ça, c'était clair, c'est un t-shirt. This is Stirred. Je comprends pas la référence. Ah, c'est du James Bond avec l'effet autour. On voit un peu le un peu comme dans l'introduction dans oui, de James Bond. Oui, c'est le canon de fusil, c'est ça. Et à l'intérieur, t'as un petit bonhomme de dessin de bande dessinée qui a l'air un petit peu triste. Et puis, il dit « This is Stirred » comme dans « Ils l'ont brassé à la cuillère et non au shaker » probablement. Genre. Oh! Ah, j'aime pas ça, c'est juste brassé à la cuillère. C'est très drôle. Est-ce que ça t'interpelle? Moi, ça m'interpelle, mais je te laisse si tu le veux. C'est quelle grandeur? Ben, c'est large. C'est la grandeur qu'on avait choisie. Ah, c'est vrai, t'as raison. Ben, je sais pas. On pourrait se battre bien longtemps. Essaye-les. Live comme ça? Oui, il faut que tu l'essayes, puis on va prendre une photo. C'est toi qui vas prendre la photo? Génial. Ils sont très minces, leurs chandails. Je sais pas si t'as remarqué. Des chandails très, très minces, mais sont confortables. Ça veut dire que quand t'es sur les hautes, ça paraît. Ouais, enlève tes écouteurs, ça va être plus facile, là. Donc, il est très beau. Ah, tu sais, le petit bonhomme, c'est un petit bonhomme un peu trapu, là. Il a une grosse tête, puis il a des petits membres. Donc, oui, je vais prendre te prendre en photo. Et c'est le fun parce que Mathieu me fait quand même confiance. Il me refile son iPhone pour que je le prenne en photo. Probablement. Ah, mais je vais aller voir toutes tes photos dans ton téléphone, fais comme ça, tout le monde fait. Fais donc ça plus vite. Donc là, lève-toi pour que je te voie, là. Hein? Montre ça, ton beau chess. Ah, souris! Ah, je suis là. Bon, ça va être beau. Génial. On va aller mettre ça sur Facebook. Je te repasse le téléphone. Merci beaucoup. Et en même temps que j'ai déplié le t-shirt, est tombé le petit écusson. Oui, le macaron. Oui, donc Loot Crate de mars 2015, covered. Mars, parfait. Ouais, c'est ça. Donc, je te ship ça. Faut que je le mette sur le chandail, j'imagine. Ben, c'est ça. Faut te prendre une photo aussi. Il y a sûrement des indices là-dedans, donc on va pas trop regarder le macaron. Non, le c'est, proche. Ça. C'est ça. OK. Donc, je retourne dans la boîte et je tente. On est toujours en train de magasiner dans la Loot Crate. C'est quelque chose d'emballé dans du plastique. Ouais, du plastique solide, épais. Je sais pas c'est quoi. Des lacets? Des lacets, je sais pas, je... des lacets, ça peut être des bonbons peut-être, des réglisses en forme de lacets. C'est... ben ça ressemble à un lacet. OK. C'est quoi des lacets, ça? Des lacets, pourquoi? Mais... Quelle sorte de ces lacets spéciaux? Mais en tout cas, c'est en... Je sais... Qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est quoi? T'as comme, tu sais, les petites pinces. Ah, au ça bout? Doit aller avec quelque chose d'autre que tu peux attacher au bout de ça. Probablement une carte d'agent secret. Probablement. Une carte plastifiée. Donc, on va éventuellement trouver la carte à l'intérieur. Enfin, c'était quoi le nom de l'émission? C'est peut-être ça, la carte. Ça a une forme de carte, donc je vais la sortir. Oh, attrape. Attention! Je sais pas si c'est la carte, mais c'est écrit Agents of S.H.I.E.L.D. Donc, ce sont les agents du S.H.I.E.L.D. de Marvel. Émission à succès en ce moment sur ABC. Hey, j'ai même pas commencé à l'écouter. Et le dérivé, en plus, il y a Agent Carter aussi. Il y a deux émissions en même temps. Écoutez ça. Ouais. C'est tellement un gros succès qu'ils ils font des dérivés. Donc, je sors ça. C'est la petite carte. Ah, en carton ou en plastique? En plastique. Ah, sophistiqué. Avec c'est comme un petit livret deux pages en carton. Avec des informations sur... Ouais, peut-être l'historique soit de l'émission ou de l'agence, peut-être plus. Donc, c'est une petite carte avec quasiment un hologramme avec un genre de code-barre dessus. Wow! Donc, c'est clairement pour pouvoir parfait pour pénétrer dans leur laboratoire. Donc, c'est vraiment, vraiment cool. Je pense que ça, c'est à moi. T'es maintenant une agente du bouclier Agents of S.H.I.E.L.D. Donc, est-ce que tu me prends en photo? Bien sûr, bien sûr. Donc, nous autres, on veut montrer nos gadgets. Bien entendu. Et voilà, c'est fait. Et là, je suis caché en arrière du micro, probablement. Ouais, ben, je peux pas m'approcher plus que ça, ben. C'est pas grave. Donc, deux de fait. Je retourne la main dans la boîte. On rappelle qu'on déballe une loot crate, une boîte de gamer et de geek. Oh, on dirait un bracelet en robeur. Ah, très à la mode de Lance Armstrong. Mais on dirait une montre. C'est pas comme les petits rubber bands là, qu'on est habitué de voir. On dirait une montre, c'est assez large. Et c'est ça. Steal the wristwatch, blink time, une try montre, me. Une montre furtive qui n'affiche l'heure que lorsque tu tapes dessus, j'imagine. Press face to display time. T'appuies sur le devant. Oh mon dieu, que oh, wow. C'est beau! C'est donc bien hot, ça. Mais là, c'est super beau. Mais là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Les ouais. deux, on a déjà un bracelet exact, c'est ça. Sur le bras gauche, ton j'imagine. Ton copain a pas envie d'avoir quelque chose au point. Parce que j'avoue que si j'ai le monde comme ça, je pourrais pas mettre ma Apple Watch. Ben non. Puis moi, j'ai mon Fitbit. Ouais, c'est clair ça. Que je peux pas mettre ça. Fait qu'on met ça de côté. On met ça de côté, oui, oui. Puis on va voir d'ici la fin. On le vend aux enchères, donc on le vend 40$. Les enchères commencent à 40$. Appelez au 376-5183. Puis on pourra s'acheter une autre prochaine Loot Crate. C'est ça. Check si ça sonne pour vrai. Moi, je la laisse à 40, là, je la laisse. Ce qui est vraiment cool. Parce que dans le fond, c'est en caoutchouc. Ouais. Puis quand tu appuies, t'as une petite lumière qui allume et tu vois vraiment l'heure numérique. C'est là, une animation, avec, en fait, qui se fait une animation ouais. de lumière LED rouge. C'est ben, super beau. C'est vraiment très joli. Ouais. C'est vraiment cool. Vraiment, très bien. Ensuite, c'est toujours dans un petit emballage. C'est dans l'emballage, là, fait que c'est dur de déterminer. D'habitude, c'est souvent juste pitché dans la boîte, là, mais là, on dirait que ce mois-ci, ils sont forcés à tout emballer. Je vais enlever l'emballage, puis je vais tâter, voir. OK. Tout d'un coup. Ça sonne-tu? Donc, qu'est-ce que c'est ça? On dirait un autre bracelet. Rien. Ça se peut, j'imagine. OK, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Hein, ça a l'air bizarre, ça. Je sais pas. C'est un bracelet clipsé un peu avec des clips de sac à dos, tu sais, des clips qu'on voit sur les sacs bananes aussi. Et ça, c'est un bracelet, c'est sûr, mais qu'est-ce que ça fait? Est-ce comme que c'est bracelet? Le petit logo de Loot Crate? Ah, je pense que oui, c'est un bracelet Loot Crate. Mais écoute, s'il y a quelque chose qu'on comprend pas derrière, on a toujours le petit livre explicatif à la fin qui explique tous les items. C'est donc, cool. On va pouvoir nous éclairer avec ça. Dans le fond, c'est des bandes de tissu. On dirait vraiment que c'est fait avec des lacets. C'est tressé un peu presque. C'est ça. Donc, des lacets noirs et orange, c'est tressé. Donc, tu peux choisir ton côté, si je me trompe pas. Tu as un côté avec plus orange. Et tu as l'autre côté que la couleur principale est le noir. Donc, je crois que tu peux très bien choisir ton côté. Exactement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est joli, ça. C'est joli. Ensuite, ça ressemble à un petit livre, un petit carnet. Ah, il y en a deux attachés comment ensemble. OK, deux petits carnets de notes. Ouais, non, c'est pas le grand livre explicatif, okay. Je suis pas mal certaine. Peut-être pour prendre des notes lors de tes enquêtes furtives et... Peut-être. C'est ça, c'est clairement des Moleskin, je crois. Est-ce que c'est des Moleskin? Ça doit être écrit dessus quelque part. Donc là, il y a petit... en fait, ça va avec, là, c'est écrit... seulement pour être ouvert par le personnel autorisé seulement, hein, c'est... Ouais. Parce que j'ai acheté des Moleskine dans ma vie et ça, les coins ronds me rappellent cette compagnie-là, donc j'imagine que c'est en association avec eux autres. Des petits carnets lignés. Donc c'est ça, c'est tout simplement des petits carnets, mais top secret, tu sais, avec... Tu peux mettre le nom de l'agent, avec le nom de la mission et tout ça, petit avec calendrier. Un petit calendrier à l'intérieur. Il y en a deux. Est-ce on en a chacun. Ah, mais c'est oui. Parfait, ça. J'aime ça. Ben oui, c'est génial. Ils devraient tous mettre en double dedans. Ben pour vrai, là, parce que je pense qu'on n'est pas les seuls à acheter ça à deux. Là. Ben non, c'est clair. Parce que de toute façon, on s'entend, le monde du geek est tellement large. Tu peux pas aller... Tout ne peut pas interpeller tout le monde. Donc, ouais, je pense ça. Que c'est quand même large. As-tu... Est-ce que tu veux le petit attache de classé top secret? As-tu vu qu'à la dernière page, tu as un truc pour prendre des empreintes digitales? la dernière page. Et c'est pas la compagnie Moleskine, c'est la compagnie Field Notes. C'est vraiment dans le même genre. Il n'y a pas vraiment de différence entre les deux, à part peut-être la qualité du papier selon certains, mais moi je trouve que c'est assez similaire. C'est très cool. Je le prends en photo ça aussi dans ma main, ça va être tellement beau. Donc je retourne dans la boîte. Je tâte. Un autre livre, un carnet. Voyons, c'est obsédé. Ça ouvre par le dessus. Là, tu vois, tu regardes, là, t'essaies de deviner. Non, j'écoute. On dirait un calepin qui roule par le dessus. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Mad Libs. Ah! Spy Mad Libs. Est-ce que tu connais ça, les Mad Libs? Non. World Greatest Word Game. Je vais t'en faire faire. Force-moi ça. Ah, mais c'est en anglais. Tu peux le regarder avant. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un jeu que tu places des... On te demande de mettre, mettons, un nom, un verbe, un adjectif, et ça va te faire faire des phrases un peu... incompréhensible, bref. OK. C'est un jeu de mots, si on veut. OK, ben écoute, il y a l'air d'en avoir quand même plusieurs. Est-ce que tu pourrais peut-être nous en décrire un? On va essayer d'en décrire un. Peut-être qu'à l'arrière du calepin, il y a une petite description. Très bien. Donc, vas-y, mais dis-moi, est-ce que je peux les noter ou est-ce que tu vas t'en rappeler? Rappelle-toi-en, OK? Donc, un adjectif. Ouais. OK, juste random comme ça, je te donne un adjectif. Un adjectif. Salé. Parfait. Un nom au pluriel. Un nom au pluriel. Pas le nom d'une personne, là. Un nom... Un nom commun. Arachide. Parfait. Un nom en général. Un nom en général. Pas au pluriel, juste singulier, un nom commun. Mon Dieu. Et radio. Parfait. Et un adjectif. Écarlate. Est-ce que tu les as retenus? Est-ce que tu les as notés? Je les ai notés. OK, donc je vais te faire la phrase et je vais te demander les mots que tu m'as donnés dans l'ordre, d'accord? Oui. Donc, chaque, ton premier mot. Chaque salé. Chaque salé espion a besoin d'une paire de... D'arachides. D'arachides au rayon X. Un... Radio. Invisible. Et une voiture mobile espionne équipée avec toutes les choses les plus... Écarlate. Donc, c'est un Mad Lib que tu viens de faire, là. Wow! Hein? C'est pas pire, ça? Donc, bon. C'est Mad Libs, le plus grand jeu de mots au monde. Version pour espion. Donc, Spy Mad Libs. Une façon super folle de remplir les... Et là, un nom pluriel. Les lunettes. Les lunettes. La façon la plus stupide de remplir les lunettes. Concept créé par Roger Price et Leonard Stern. Pourquoi pas? C'est cool, hein? Ben oui, c'est le fun, tu sais, sur une première date, là. Ouais, et il y en a plein, là. Et les vides sont écrits en dessous, donc les adjectifs et tout sont écrits entre les lignes. Et tu remplis ça avec des mots. C'est quand même drôle. Génial. T'es photocopié, hein, parce que tu veux pas salir ton carnet. C'est ça. Et en plus, tu peux faire ça si tu veux, mais il y a à l'arrière une plaquette de carton pour que tu puisses flipper les pages par en haut et écrire sur le carton sans avoir à avoir une table pour jouer. Ça. Ah, c'est le fun, ça! C'est cool, ça. Bon, un beau petit jeu, ça. Voilà. Clairement, pour toi, c'est en anglais. Merci. bon, là, c'est du papier random, donc on va ouvrir ça. Ah, ça semble aller avec le bracelet. Ah! Donc, il y a une raison derrière ce bracelet orange et noir de tantôt. Donc, oui, je vais te laisser nous le lire, étant donné que c'est en anglais. Donc, top secret, agent 1337. Tu connais 1337, un 337, c'est l'épellation de LEET, pour ceux qui sont très élites sur Internet. LEET, votre mission, si vous l'acceptez, sera de voyager dans le bois, genre dans le Uncharted Wilderness, donc dans les régions sauvages, dans la région de... Et là, il y a un redacted, donc on a mis du noir pour empêcher de voir ce que c'est, parce que c'est top secret. Dans ce colis, vous allez trouver un bracelet de survie de paracord qui sont disponibles exclusivement aux agents de loot. Donc, ça pourrait très bien attirer l'attention. Mais c'est plus que seulement à la mode. C'est fait de cordons de parachute de grade militaire et pourrait en fait vous sauver la vie. Le bracelet de survie paracord peut faire un tourniquet, peut être utilisé comme ligne à pêche et plus encore. Pour déballer votre bracelet de survie paracord, vous le mettez à plat sur une table. Juste à plat sur un environnement à plat. Vous localisez la section collée du cordon près de l'attache. Vous tirez sur le cordon à la section collée et tu défais la corde. Donc, dans le fond, c'est un bracelet de survie que tu traînes sur toi, sur ton poignet. Mm-hmm. Et quand tu te fais capturer par quelqu'un ou si tu te fais enlever, peu importe, tu peux utiliser ta corde pour différentes affaires. Donc, tu défais la corde. Évidemment, une fois que c'est défait, tu peux pas la refaire. Là. Mais tu peux acheter plusieurs paracords comme ça. Donc, si vous êtes capturé, le quartier général de Loot va dire qu'ils ne vous connaissent pas et ne sont pas au courant de vos actions, dit Loot Crate. C'est ça. C'est le bracelet de survie. Lootcrate.com/paracord. leur adresse web pour ça. C'est très cool. C'est une excellente idée pour ceux qui font de la survie en forêt, peut-être. Non, pour les espions. Pour les espions. Voyons. Les gens comme toi, c'est... ici, j'ai sorti ça en même temps parce que c'était un petit papier. Et dans le fond, c'est pour télécharger la version numérique du premier numéro de... Ben, d'un comic, d'une bande dessinée. Oh. Donc, c'est Ninjak. Donc, c'est clairement un super espion et un maître assassin. C'est pour toi, ça aussi. Ben, je pense que oui. Écoute, et dedans, t'as des créateurs célèbres comme Clayman, qui a entre autres collaboré à X-Men, et Butch... c'est Juice, mais avec un G. Okay. Qui a lui collaboré avec Captain America. Ah, il a collaboré, donc, il a botché, clairement, il s'appelle Botch. Donc, super intéressant. Donc, on a un petit code pour télécharger ça gratuitement. Super. T'as tout le temps une bande dessinée quelque part là-dedans ou une référence à ça? Il y avait Batman à un moment donné dans la première, je pense. Ben oui, oui, on a eu plusieurs quand même. Petit carnet, je crois que oui, c'est le livre explicatif. Pour tous nos items. Ouais. Attends, tu vas voler des affaires, là. Il reste des affaires, là, on sait pas. Ben, je pense qu'il y a une autre bande dessinée. Ah, OK. Ben, quand même, à la fin, je crois que c'est tout ce qui reste. Et... Ah, crime, t'es chanceuse. Orphan Black. Ouais, c'est sur la série Orphan Black qui joue à Z que tu veux écouter, j'imagine. Oui. L'histoire de clones. Ben oui, écoute, c'est super bon. OK. Moi, je vais ouvrir, je vais voir de quoi ça a l'air. C'est gagnant de nombreux prix. Okay. Ben oui, elle a gagné vraiment beaucoup de prix pour son rôle d'actrice parce que effectivement, je l'ai trouvé vraiment fantastique. Chacun de ses personnages a vraiment sa propre personnalité distincte. C'est la série sans origine Orphan Black en français, pour ceux qui cherchent. Donc c'est vraiment cool, c'est vraiment une BD. Wow! Orphan Black. Donc, reste à voir quelle partie de l'histoire ça couvre. Hein? Oui. Donc, ne pas confondre avec le groupe de musique qui joue à la classique, le Offenbach. Évidemment. Ben, on pourrait douter que c'est une bande dessinée, étant donné que c'est la photo de l'actrice sur le dessus. J'avoue qu'il aurait pu la dessiner. Tu l'avais pas, celle-là? Ben, je veux que tu prennes en photo. Ah, OK, excuse-moi. Tu vas lire ça, toi? Non, clairement pas. Bon, c'est ça. Non, je vais la regarder parce que clairement, il me faut la fille pour que je regarde ça. Ah, parce que la fille est vraiment cute, ça, c'est clair. Donc, et si tu regardes l'intérieur de la boîte, parce qu'on sait qu'à l'intérieur de la boîte, il y a toujours un dessin, donc si tu reverse the box, ça te donne quelque chose. Et on a un ordinateur pour espion. Donc, tu as ton clavier avec ton écran, là, avec tu mets ton nom d'espion ainsi que ton mot de passe. Et... il y a un petit lien raccourci Betty. Ouais. Ouais. Donc moi je serais très curieuse de voir où ça nous mène avec mon Dieu, ben Bitly. Ouais. Hein? 19. AQ. En minuscule ou majuscule, c'est important. En minuscule. AQ, ouais. S majuscule. Ouais. Petit P. Petit P. Gros V. Gros V. Il y a aussi un code QR. Qui peut probablement nous amène au même endroit. Ça nous amène où? Ça nous amène à la même interface que sur l'ordinateur que tu as sur ta boîte, sauf qu'on te demande un nom et un mot de passe qui doivent être écrits sur la boîte. Oh mon... sur la boîte? J'imagine quelque part dans les informations. Mais peut-être qu'il faut que tu le trouves aussi, le nom et le mot de passe. Peut-être que c'est une aventure de détective qu'il va falloir investiguer un peu plus longtemps. Oh mon Dieu! Hey, peut-être qu'il est dans le livre. Okay. C'est très excitant tout ça. Là. Donc, je vais fouiller. Peut-être que c'est dans le petit livret explicatif. Hey, c'est cool! Il y a eu des Instagram avec les lunettes 8 bits du mois dernier. Qui a eu en passant les lunettes pixelisées à mort. Donc, on a plein de gens et des chiens avec les photos. Bien entendu, hein, c'est clair qu'il allait avoir des photos de chiens. Ah, on a. Ça parle d'Austin Powers. Okay. Un peu étrange. Ensuite, mais mon Dieu, est-ce que c'est vraiment le petit livre explicatif? On dirait que ça nous parle de rien. C'est un petit magazine en même temps, je pense. On a ton t-shirt, on a la montre, ensuite le bracelet, ben, Colin. Il va falloir, je pense que c'est sûrement l'idée derrière ça, c'est qu'il faut vraiment chercher. Il est probablement écrit quelque part de cacher dans tout ce qu'ils nous ont donné. Fait que là, faut pas qu'on se sépare, faut qu'on... Je veux absolument résoudre ce mystère. C'est clair, ça va venir, Steph, faut être patient, faut chercher là, les détectives, c'est tellement ça, pas espionne, faut pas botcher, faut pas botcher. Donc voilà pour la Loot Crate. Encore une fois, c'est sur lootcrate.com pour la version canadienne. On clique sur le petit drapeau en haut à droite pour pointer sur Canada. Et ça coûte 30$ par mois. Ça peut valoir la peine pour ceux qui aiment recevoir des cadeaux comme ça. Moi, en tout cas, ben oui. Je trouve des cadeaux tout le temps. Ça va être un manque quand on aura plus ça. Écoute, c'est clair qu'on va y revenir un jour. Peut-être, hein? Mm-hmm. Peut-être. Voilà, donc Hello Crate, dans Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. J'étais en train de chercher une pièce qui avait rapport avec tout ça. Y a pas d'espion? Non. Y a absolument rien qui a rapport avec ça. Décevant. C'est décevant. Un peu décevant. Moi, je sais pas quoi faire avec ça. Je me donne une dernière seconde pour y penser. Non. Ça finit là, ouais. Ça finit là. Mais par contre, Orphan Black, et tantôt on parlait de Offenbach, ça m'inspirait, donc on va pourquoi pas écouter Do You Wanna Rock de Danko Jones, juste parce qu'on a parlé de rock, puis ça prend pas grand-chose pour faire des liens des fois, hein? C'est l'assemblage requis, on se quitte dans quelques instants, hein? On va se dire au revoir tantôt. Everybody's watching us, and you're the only one I trust. I never wanna leave you, I always wanna see you. The beat is calling us, I never wanna get enough. Everybody's watching us, and you're the only one I trust. I never wanna leave you, I always wanna see you. The music's gonna stop, so do you wanna rock? Do You Wanna Rock par nos amis de Danko Jones. C'est tout pour Assemblage Rocky pour aujourd'hui. Oh non! On va être de retour demain entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30. Demain, on sera mardi. Et les mardis, on a quand même quelque chose de le fun à faire. C'est la journée Zone Campus aux deux semaines. Donc, Sébastien Abgartin et Myriam Lortie seront là du Zone Campus. Gabriel Béhout de la Luitre. Et à 9h, c'est Master Chef, une grosse pointe en dresse en alternance. Donc, soyez ici demain entre 6h30 et 9h30. Restez sur nos ondes. Tout à l'heure, à 13h, c'est Escale A, l'émission de voyage. Ensuite, Radar Jeunesse est là à 17h. 18h, Palmarès du Monde en rappel. Le voyage, c'est à 19h. Et Rock de Neurone à 20h. Sif.ca pour la programmation complète. AssemblageRocky.com pour les notes de l'émission. Les balados de diffusion. On remercie les gens des élections de la GQTR. Oui. David Ferron. Bien sûr. Olivier Ça. Tellement. Toi, Stéphanie Paradis. Et puis toi, Mathieu Plante. Loot Crate. Ouais. Merci à vous, les requins, d'avoir été là. Et on se retrouve demain à 6h30. Bye-bye. Bye. On se fait avec du White Horse. C'est tellement bon. Ok, j'ai envie de varier. J'ai envie de varier. On a écouté Downtown souvent. C'est la pièce d'habitude qu'on écoute. J'ai envie d'entendre Baby What's Wrong tout de suite. À demain. Sad song.